l'essentiel, il est 15h. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each chartered course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. No, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. And not the words of one who kneels. The record shows I took the blow. Bonjour à tout le monde. Jean-Pierre et moi-même sommes heureux de co-animer cette émission La musique en partage, qui sera en grande partie consacrée à Claude François aujourd'hui. C'est pourquoi Claude a commencé notre émission 42 ans aujourd'hui même qu'il a rejoint la lumière des étoiles. 16 ans de carrière et plus de 35 millions d'albums vendus de son vivant et autant depuis sa disparition. Bonjour Jean-Pierre. Salut Valérie. Ben ça va très bien et toi? Eh bien ça va. Ah, je sais que tu es... Tu es venu avec le cœur gai quand même pour venir rendre hommage à Claude. Oui, bien sûr, c'est toujours un bonheur d'écouter Claude François. Absolument. Donc il a enregistré le temps de sa carrière pas loin de 450 chansons, et celle que nous venons d'écouter, My Way, comme d'habitude, est devenue une chanson culte planétaire avec plus de 2000 reprises. Alors Claude a toujours rêvé d'être numéro un aux États-Unis. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Mais avec cette chanson, My Way, il l'a été assurément. Tous les plus grands artistes français ou étrangers ont dans leur répertoire cette chanson. Alors derrière l'idole, Claude François était un homme profondément sensible, voire fragile. C'était un vagabond musical. Comme un enfant perdu son père et qui le cherche en courant sur la terre. J'ai voyagé dans 20 pays et j'ai 20 fois recommencé ma vie. Tous les métiers, je les ai faits, je crois. J'en ai gardé un peu de muscle au bras. Hier encore, un débutant. Et tout à coup, au premier rang, je ne me sens jamais chez moi. Toute ma vie, je resterai, je crois, un vagabond. Et qu'il vaut mieux ne jamais rencontrer un vagabond sans importance. Et qu'il vaut mieux ne jamais se lève. Je suis un fou qui embrouille ses rêves, toujours à part, toujours déçu. J'ai cru aimer, je n'ai pas su, et je me dis que malgré moi, je ne serai toute ma vie, je crois. Qu'un vagabond qui passe et chante et qui vaut mieux ne jamais rencontrer un vagabond sans importance, un chien perdu et jamais trouvé, et un vagabond. Alors c'est grâce à Clo-Clo que j'anime une émission de radio aujourd'hui. Et j'en profite pour saluer Thierry qui m'a fait confiance à l'époque en me laissant venir évoquer la carrière de Claude sur Arc-en-Ciel. Et depuis, je n'ai jamais quitté Arc-en-Ciel. Alors je vous remercie de continuer à nous écouter. Et puis Jean-Pierre, je te remercie maintenant de continuer l'émission avec moi. C'est un bonheur. Comme c'est une émission un peu spéciale, et donc on va écouter Claude François, mais on va écouter également des chanteurs qui ont repris des chansons de Claude, et puis Claude qui a repris des chansons d'autres personnes. C'est bien, c'est ça la musique en partage. Alors je vous propose maintenant d'écouter une très belle chanson chantée par Claude François, Toi tu voudrais. Mais cette fois-ci, elle ne sera pas chantée par lui. En août 1968, il était au top des ventes de disques grâce à cette chanson. Et aujourd'hui, je vous propose la version de Serge Laprade. Mais qui est Serge Laprade? Jean-Pierre. Ah, Serge Laprade, c'était un sacré gaillard. Hein. Et d'ailleurs, vois-tu, dans sa carrière, il a quand même enregistré une douzaine d'albums. Ah, quand donc, même. Tu vois, c'est pas rien. Alors, ça a été, bien sûr, les années 60, il a repris pas mal de succès, comme tu l'as dit. En particulier, il a repris cette chanson que je ne connaissais pas beaucoup. Tu la connaissais, oui, la bien chanson sûr, oui, oui. Elle logeait ou dans un 33 tours ou en face B peut-être d'un 45 de l'époque. Oui, dans un 33 tours, c'était un des plus grands succès en août 68. Hein. Ah, quand même. Même chez nous. Oui, oui, ah, tout à fait. Tu vois. Voilà, et ben ce Serge Laprade, eh bien ma foi, il aura été élu, plus exactement, découverte de l'année en 1964. Au grand gala des artistes là-bas au Québec. Mmh. Il deviendra par la suite, bien sûr, tu l'as dit, animateur de radio, de télé, animateur de jeux télévisés. Il s'est même risqué à la politique, mais là, ça n'a pas bien marché. Il a pris une sacrée veste. Ah, c'est toujours un terrain glissant, surtout quand on est artiste. Oui, c'est ça, c'est délicat. Surtout même à cette époque-là, peut-être plus encore. Voilà, eh bien Valérie, nous allons découvrir ce Serge Laprade qui a repris donc le titre que tu vas nous donner. Toi tu voudrais et ben nous on veut. On veut, voilà. Toi tu voudrais en même temps l'été, l'hiver et le printemps. Discipline des gens du Nord et la passion des matadors. Toi, tu voudrais que je sois riche, fort et puissant, mais en même temps que je sois jeune et insouciant. Les tempes grises et un cœur d'enfant. Quand on évoque les chanteurs des années 60-70, de ne pas évoquer Mariti Gilbert Carpentier, qui était le producteur d'émissions françaises de variété extrêmement populaires et incontournables pour les artistes de l'époque. Et justement, Benabar leur rend hommage. Déjà lavé en pyjama, qui me gratte dans la télé des Claudettes, en gras parce que demain y a pas école, Mike Brandt, Sacha Distel. Playback et pattes d'éléphant, roues, flaquettes et costumes blancs. Ils avaient des beaux habits qu'ils doivent regretter amèrement aujourd'hui. Ils portaient bien la moustache dans des décors pas encore kitsch. Micro tenu du bout des doigts en éloignant le fil d'un geste du bras. Mariti et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer. Mariti et Gilbert Carpentier. Quelques décors pour faire Broadway, un réverbère, un cabaret, un faux saloon, c'est l'Amérique. Et des trucages préhistoriques. Ils s'appelaient presque tous Michel, Paul Narev, Jonas Delpech, Michel Fuga, Michel Berger et Michel le Forestier. Mariti et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer. Mariti et Gilbert Carpentier. Il y avait tellement d'applaudissements qu'on dirait une émission maintenant. ambiance foxtrot, Sylvie Vartan et des danseurs partout tout le temps. Quand il se trompait de caméra, un petit tour et l'air, voilà. Le doigt vers l'objectif, je chante pour toi, on a tout à apprendre de Claude François. Mariti et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer. Mariti et Gilbert Carpentier. Puis défilait le générique qui annonçait le moment tragique. Les enfants, allez vous coucher, impossible de négocier. Je sais, j'ai essayé. Marie-Thil et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer. Marie-Thil et Gilbert Carpentier. Marie-Thil et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer. Mariti et Gilbert Carpentier. Mariti et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer avec les moyens techniques de la SFP. Alors là, ce sera avec les moyens techniques de Jean-Pierre. Alors, arc-en-ciel. Jean-Pierre, est-ce que tu sais que la distance entre Orléans et Québec est de 5290 km? Mais le Québec est au bout du monde? Absolument, mais c'est loin, c'est vrai. Alors je vais t'y emmener, tiens, je vais t'y emmener et on va assister à la naissance d'un collectif, le collectif Rosema Tulipe, qui viennent de sortir un premier titre d'un mini-album qui va sortir dans les mois à venir. Le titre « Autour du monde », c'est un titre qui nous propose de prendre un petit peu de distance avec le monde actuel. Ça ferait pas de mal, effectivement. Et puis on retrouvera Sahel. On le connaît, Sahel. On l'a déjà passé voici quelques temps, quelques mois, voire peut-être plus d'un an. Et voilà, avec un nouveau titre, Sahel, donc, Comme jamais, qui évoque un amour, ma foi, perdu, mais jamais vraiment abandonné. Titre qui est sorti pour la Saint-Valentin de cette année. Donc, sortir une chanson d'amour à la mi-février, c'est quand même une affaire qui tombe à pic, Valérie. En effet. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Ça fait trop longtemps pour ça que j'écris. Si tu me réponds pas, y'a pas de soucis. Le temps passé, moi j'ai peur que t'oublies. T'en vas pas si vite, j'ai pas tout dit. Comment tu me trouvais tout un tas de surnoms? Comment les secondes semblaient moins longues? J'entends des sourires depuis le salon. Maintenant c'est silence dans toute la maison. Un jour t'as fait des affaires. T'es reparti chez ta mère. T'as laissé un grand vide dans ma vie, dans ma tête. Un jour t'as fait des affaires. T'es reparti chez ta mère. T'as laissé un grand vide. Alors, ça va. J'suis au bout du fil, je n'ai jamais raccroché. T'es là. Ça fait trop longtemps qu'on ne sait rien raconter. Où t'étais, avec qui, tu ne sais pas, avec lui. Si tu savais, je t'aimais comme jamais. Ça m'a fait bizarre des nouvelles de toi. Je mentirais pas, j'y pensais des fois. Je lisais tes messages, tu t'en aperçois. Je pouvais pas répondre et voici pourquoi. Quand on s'est laissé, c'était pas facile. Pour mieux t'oublier, j'ai refait ma vie. J'ai fait mes affaires et je suis parti. J'ai pris un billet direction Paris. Un aller sans retour. La nuit s'endort, un nouveau jour. J'ai ramassé les pots cassés. Tout ce qui restait de notre amour. Un aller sans retour. La nuit s'endort, un nouveau jour. J'ai ramassé les pots cassés. Allô, ça va? Je suis au bout du fil, je n'ai jamais raccroché. T'es là. Ça fait trop longtemps qu'on ne sait rien raconter. Où t'étais, avec qui, tu ne sais pas. Allô, ça va? J'suis au bout du fil, je n'ai jamais raccroché. T'es là. Ça fait trop longtemps qu'on ne sait rien raconter. Où t'étais, avec qui? Tu ne sais pas, avec lui. Si tu savais, je t'aimais comme jamais. Eh bien, on était au bout du monde, effectivement, Valérie, et pas autour du monde, comme je l'ai dit. Mais qu'on remarque bien, quand on est au bout du monde, on continue un peu et on fait le tour du monde, mais... En effet. On était donc avec le collectif Rose et Matulipe, et puis on a écouté le Sahel, le petit Sahel qui nous chantait comme jamais. C'est très bien petite fait. Petite nouveauté. Oui, et j'espère qu'il va venir chez nous en France un petit peu. Eh bien, on va peut-être l'inviter, qui sait? Ah oui. Alors de comme jamais, hein, comme aujourd'hui, il n'y a qu'une conjonction à retenir. C'est pourquoi je vous propose d'écouter Sheila comme aujourd'hui. Tu pouvions rendre hommage à Clo-Clo sans évoquer Sheila, une de ses plus fidèles amies. Alors, si vous nous rejoignez maintenant, sachez que nous dédions cette émission à Claude François. Alors, on ne pouvait pas diffuser toutes ses chansons, bien évidemment. Alors, voici un petit medley de ses débuts. Donna, Donna, Donna, Donna, tu regretteras. Je sais que je n'ai jamais su. Je sais que je n'aurais pas dû. Je sais que souvent j'ai eu tort. Je sais. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne saurais jamais. Viens vite, je t'attendrai. Viens vite, je t'attendrai. Alors, au début de sa carrière, Claude François enchaînait les reprises et en 1964, il adapte une chanson de Bill Anderson, It Comes and Goes. Donc, il adapte cette chanson en souvenir de sa femme qui venait de le quitter. Alors là, nous vous proposons, hein, parce que c'est Jean-Pierre qui nous l'a trouvé, cette petite chanson, cette petite version en tous les cas, la version de Pierre Gilles. Eh bien, exactement, c'est une chanson d'un petit Québécois de l'époque. Hein. D'ailleurs, ils étaient tous des beaux gars, tu sais, comme à l'époque, quoi, hein, c'est gominé, tout ça, c'était vachement bien. Et il s'appelle donc Pierre Gilles. Il a repris donc ce morceau en 1964 et j'ai vu sur Internet, on voit très bien le petit 45 tours où apparaît cette chanson. Mmh. On va l'écouter. Alors oui, parce qu'on y pense, mais on n'oublie pas. Ah, on n'oublie pas. Non. Tout le monde me demande si je t'aime encore. Et si je pense encore à toi, il me demande de parler de mon cœur, si triste depuis de longs mois. Je mens un petit peu et je dis fièrement, cette histoire est finie. Mais je dois avouer que certains soirs, peut-être, parfois j'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. Tout le monde me demande si j'ai pleuré et si je pleure encore pour toi. Mais s'il me le demande, c'est tout simplement pour pouvoir rire de moi. Si je mens un petit peu et je dis fièrement, je n'ai jamais pleuré de ma vie. C'est tout juste si les yeux me picotent un peu lorsque j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Mais j'y pense beaucoup plus que je l'oublie. Car tout au fond de moi, je sens que cet amour, j'y penserai toujours. J'y penserai toujours. Je jolie voix, hein, Pierre-Gilles. Oui, en effet, c'est l'heure maintenant de notre séquence artiste à célébrer de la semaine. Et on pense à célébrer les artistes sur Arc-en-Ciel beaucoup plus qu'on ne les oublie. Alors aujourd'hui, qui on célèbre ? Jean-Jacques Debout, Didier Barbelivien et Stromae. Alors Jean-Jacques Debout, hein, il a fêté ses 80 ans le 9 mars dernier. Toujours debout. En effet, comme Renaud. C'est Charles Trenet, hein, qui le remarque lors d'un concours de chant. En 1959, son premier 45 tours, Les Boutons Dorés, est un énorme succès. Et Charles Aznavour lui écrit quelques chansons à cette époque. En 1960, c'est à son tour d'écrire des chansons pour les idoles yéyés de l'époque, Johnny, Sylvie, Richard Anthony, Michel Delpech et bien d'autres encore. C'est à cette époque qu'il rencontre Chantal Goya, qu'il épousera en 1966. Et lui écrira des spectacles musicaux qui seront d'énormes succès. En 2006 et 2013, il participe à la tournée Ashtand. C'est à cette occasion que j'ai eu la chance de le rencontrer et j'ai pu mesurer son extrême gentillesse. En 2013, il sort un nouvel album, Bourlingueur des étoiles. Il chante Gabin et à cette occasion, nous avons pu découvrir de nouvelles mélodies romantiques comme celle-ci. Comme un singe en hiver, mon amour, j'errai chaque nuit et chaque jour, ne sachant où aller me cacher, n'ayant plus de raison d'exister. Comme un singe en hiver, sans repère, dans un train, je suis parti vers la mer qui m'a conduit dans cette Normandie où j'ai trouvé un ami. Dans le vent, la pluie, vers un hôtel, devant la jetée, devant le ciel, par hasard, j'ai trouvé un asile. Sans connaître le temps de mon exil, je suis entré pour me réchauffer quand un homme m'a tout de suite guidé. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai compris que nous pourrions parler de ma vie. Comme un singe en hiver, mon amour, je suis venu te chercher un jour. Toi, mon enfant, mon dernier amour, ta maman m'ayant quitté pour toujours. Comme un singe en hiver, j'étais fou, je buvais pour oublier n'importe. Je faisais tout pour te retrouver, sans jamais désespérer. Par moments, j'ai joué les toréadors, m'imaginant en Espagne dans ce décor, car je ne pouvais l'oublier sans remords. Cette femme qui me conduit vers la mort, j'ai mis en danger ce qu'il me restait de mes forces et de ma vie sans attrait. Et j'ai traversé mes nuits sans sommeil en espérant de revoir le soleil. Un singe en hiver, mon amour, je suis venu te chercher un jour. Toi, mon enfant, mon dernier amour,

Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi je suis belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Je vous propose de continuer de danser, danser sans s'arrêter même. Tu es d'accord, Jean-Pierre ? Oui, dance without stopping. Hein, c'est comme ça ? En effet. Voilà, et bien oui, alors avec un petit français en plus, un petit français qui s'appelle DJ Sandero et qui est allé enregistrer ça là-bas au Québec et qui l'a sorti au Québec. Premier titre, donc assez électro, assez afro, enfin bref, tout ce qu'il faut pour plaire hein, et faire danser surtout. On continuera avec un jeune Sénégalais, québécois d'adoption bien sûr, il s'appelle Ilham et son titre « Danse la vie, danse ». On en a tellement besoin, Valérie. Eh oui. Dancing without stopping, it's good for your mind. If you wanna be free, dance it every time. Dancing without stopping, it's good for your mind. Dancing every time. Dancing FM, la FM en couleur. En couleur, couleur, couleur. La musique c'est magique pour rassembler les gens. C'est une arme la musique et un médicament. Elle joue les esprits partout à chaque instant. Alors Valérie, ça te plaît l'âme? Beaucoup, beaucoup. Ouais, tu me disais ça, je verrais bien Noah chanter ça. C'est vrai, tout à fait. Sur scène, je le verrais bien aussi, c'est vrai. Ilham, c'était vraiment bien. Puis juste avant, DJ Sandero, ben c'était pas mal non plus. Dansons la vie, le moment présent. Et de danser la vie, Coco, lui, danser sa vie, alors danser votre vie. Il n'y a aucun souci, le principal, c'est de danser. En tout cas, moi j'ai une tendresse particulière pour cette chanson de Clo-Clo. Donc un texte signé Delanoé, sorti en 1976. Cette chanson raconte en quelque sorte l'histoire de Claude qui a dû quitter son pays de naissance, l'Égypte, à l'âge de 17 ans, à bord d'un bateau. Un matin, j'ai quitté le port, je suis parti, le cœur insouciant. Sur le bon vent, sur le bon vent. J'ai croisé des milliers de gens qui n'étaient pas plus malins que moi. Ils luttaient contre l'ouragan en s'accrochant à n'importe quoi. Orages. séduisant, excitant, passionnant. Tu es une femme. Tu vois, ce soir, je te regarde mieux que d'habitude. Pour une fois, j'ai le temps. Allez, danse ma vie, sois gentil, souris-moi. Tu sais si bien sourire quand tu veux. Arc-en-ciel, il est tout juste 16h. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-ciel 96.2 dans l'émission La musique en partage en compagnie de Jean-Pierre et Valérie. Vous pouvez également nous écouter via le site radio-arc-en-ciel.fr. N'hésitez pas à aller découvrir ce magnifique site et réécouter quelques-unes de vos émissions préférées. Alors aujourd'hui, une émission largement consacrée à Claude François. C'est l'anniversaire de sa disparition aujourd'hui même. Alors sur Arc-en-ciel, on ne l'oublie pas, justement, on va commencer, débuter cette deuxième heure avec lui. Alors Claude François était très soul, rhythm, blues, et il était aussi très jazz. Et oui, un petit côté que vous connaissez peut-être moins, mais bon, il aimait beaucoup Belle Tornay, Sinatra, Joe Williams, qui chantait avec Tom Bézy, et son dieu absolu, comme il aimait le dire, était Nat King Cole. Alors je vous propose de le retrouver avec Mort Schumann. Ben, je nous chantais un petit medley, justement, un petit medley de jazz. Je commence. Toi. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater, but she never comes late. She never bothers with people she hates. That's why the lady is a tramp. The lady is a tramp, c'était un premier extrait. On va les faire court exprès, comme ça on va pouvoir en faire beaucoup plus. Je vais prendre pour ça un deuxième extrait, beaucoup plus connu celui-là, en tout cas, et plus ancien. Night and Day, par exemple. Ah oui, fantastique, Night and Day. On chante ensemble ? Allez, on commence. Toi tu commences. Vas-y, Jean-Claude. Night and Day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Sing it, man. With a near to me or far, doesn't matter, darling, where you are, I think of you. Night and Day. Comme ça au clair de lune, vers le midi de la France. Et ça me faisait vivre, je chantais comme ça des nuits entières pour des milliardaires américains qui passaient là-bas. Ils adoraient toutes ces chansons, ils avaient déjà un bon goût aussi concernant la musique. En dessous, voyez où livre que nous pianote Jean-Claude ici. Tiens, il joue toujours très fort tant qu'on l'applaudit pas. Jean-Claude, petit quand même, voilà, chef d'orchestre. Jean-Claude, en dessous, voyez où livre, on va essayer de s'en souvenir, mais toi tu vas chanter toute seule, parce que je vais t'écouter. Travaille un peu cette langue américaine. I have often walked. J'ai déjà marché souvent. On this street before. Dans cette rue avant. But the pavement always stayed beneath my. La rue en général restait derrière mes pieds. C'est américain. All at once a mile. Soudain je suis. Seven stories I. Oh, septième ou huitième étage. Knowing I'm on the street. Parce que je sais, je suis. Where you live. Dans la rue où tu habites. On va essayer de faire peut-être un truc différent. Je vais te faire chanter une chanson américaine avec moi. Mais alors cette fois-ci, tu vas la chanter en français. Chanson américaine, chanson américaine en français. Bye bye baby. En américain, c'était Bye bye Blackbird. Allez. Ok, on essaie. Oui. D'accord. On va essayer. Oui. En français. D'accord. Attention, dis adieu à mes copains. Les amis que j'aime bien. Bye bye baby. Sacha Distel l'avait chanté. Demain je serai si loin, loin de toi, loin des liens. Ça pourrait continuer longtemps comme ça. Là, on va passer à quelque chose de plus ancien, peut-être. Oui, mais plus nouveau moderne, quand même. Oui, oui, c'est on se demande vrai. Pourquoi. Tout le monde l'a daté de sa façon. McDonald's, inutile d'en parler, par exemple, McDonald's. Tu commences allez. Très bien, allez. Ah. Hey. Oh, the shot. Oh, the shot. Such a teeth. Such a teeth. Oh, and it shows him. It's so bad. Oh, anyway. Pearly white. Got Chloe singing now. Just a jackknife. Has all my kids. Oh, ready. Yeah. Sit. Oh, it keeps oh, it out of sight. Yeah, now watch out. You know when that shot you know bites. When that shot bites. When it teeth, babe. Babe. Oh, scarlet billows start to bloom. Start to spread, start to spread. Fancy gloves don't wear all my hits. Oh, he wears those fancy gloves. So there's never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never. Now on the sidewalk. On the sidewalk. Oh, Sunday morning, Sunday morning, don't you know? Sunday. Someone is sneaking, oh, sneaking round the corner. Mm-hmm. Could that someone? Could it be? Could it be? Could it be? My good night. Oh no! Plus récent cette fois-ci. Ray Charles, Hallelujah, I just yeah. found a soul. Come on, baby. Hey. Let me tell you about the girl I know. She's my baby and I live next door. Every morning before the sun comes up, she bring my coffee in my favorite cup. That's why I know. Oh yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone, then it's gonna fall. And I tell her that I'm all alone. By the time I come from 9 to 4, I hear her on my door. In the evening before the sun comes down, oh, and there is nobody else around. She kisses me and she holds me tight. Mmm, it's oh, alright. And well, I know. Oh, I know. Yes, I know. I know. Hallelujah, I just love her so. Hallelujah, I just love her so. Yeah. Hallelujah, I just love her so. Jean-Pierre, l'amateur de jazz, un bon petit moment là. Ah oui, c'est sympa. Ben oui, puis c'est la bonne ambiance. Hein. Alors, je te propose de poursuivre avec une chanteuse, hein, Karen Cheryl, qui a eu la chance de chanter avec Clo-Clo. Et lors d'une émission, elle a très justement évoqué Claude. Alors, elle disait, il est souvent évoqué comme un homme capricieux, mais en fait, il avait la faculté de penser très vite et il souhaitait que tout le monde pense aussi vite que lui. Alors, pour ma part, je rajouterais, eh bien, comme ce n'était pas le cas, il pouvait souvent se montrer impatient. Alors Karen lui rend hommage dans cette chanson, hein, je me souviens, on va se souvenir avec elle de tous ces beaux moments avec Claude à cette époque. Et d'après toi, elle est écrite par qui cette chanson, Jean-Pierre ? La chanson de Karen, là ? Oui. Alors je vais te dire, je n'en sais rien, mais comme je suis joueur, et vu l'époque et tout ça, je dirais peut-être Barbe Livia. Bingo. Oh bah super. Une chanson écrite, enfin chantée en 1982. Et puis bah moi je rajouterais, tu prenais pas beaucoup de risques parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'artistes qui ne chantent pas encore une chanson c'est de Didier Barbelivien. Il en a tellement écrit fait. Pour ah, oui. Pour les autres, pour beaucoup et pour lui aussi, si. mais beaucoup pour les autres. Alors ben je vous propose de se souvenir de cette belle époque. Ah. Je chantais ces chansons, j'écoutais.

chacun est fait comme il est. Chacun prend feu comme il peut. Mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouvent parfois. Chacun est fait comme il est. Chacun prend feu comme il peut. Suivons avec Jean Vallée, 6 ans qu'il nous a quittés. Jean était un amoureux de la vie. L'amour revenait souvent dans ses chansons. Sur Arc-en-Ciel, nous sommes tous tombés fous d'amour pour sa voix, pour sa générosité. Et il fera partie à jamais de l'histoire de notre radio. Avec Jean Ferrat, 10 ans bientôt que Jean donc nous a quittés. C'est une référence dans la chanson française. Que dire de Jean que nous ne connaissons pas déjà? Alors écoutez tout simplement ses chansons et vous découvrirez l'homme qu'il était. Et je vous propose justement d'écouter une de ses plus belles chansons, un hommage à la liberté, Ma France. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons,

Saïgon. Je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je me découpe. Suivant les points de petit vertige de l'amour. Désir fou que rien ne chasse. Cœur transi reste sourd. Marchand de glace. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire attend qu'on chante. Et la tranchée vient d'être. Cette séquence souvenir avec un chanteur que nous ne pourrons jamais oublier, tellement sa joie, son sourire, sa bienveillance touchaient le cœur des gens. Claude Jérôme, c'est Jérôme, est décédé le 14 mars 2000. Il a enchaîné beaucoup de tubes durant sa carrière. Il a vendu plus de 25 millions de disques. Alors, c'était difficile de choisir. Alors, un prénom qui revient souvent, c'est aussi une ville, Manhattan. Écoutons-le pour notre plus grand plaisir à tous. C'est un joli prénom. Hey Manhattan, tu passes toujours à la même heure. Hey Manhattan, je te connais par cœur. Je t'aperçois quand tu marches dans la rue, mais près de toi. Alors là, je n'ose plus. Demain, demain, si seulement tu voulais, nous irions tous les deux boire un café au lait. Dis-moi, dis-moi, ne préfères-tu pas que je prenne avec toi une glace au chocolat? Hey Manhattan, sur ton t-shirt en impression. Hey Manhattan, tu veux jouer les garçons. Et en flânant, tu regardes les vitrines. Moi je t'attends en feuilletant un magazine. Demain, demain, si seulement tu voulais, nous irions tous les deux boire un café au lait. Dis-moi, dis-moi, ne préfères-tu pas que je prenne avec toi une glace au chocolat. Hey Manhattan, un jour tu te retourneras. Hey Manhattan, je passerai par là. Et ce jour-là, en te serrant dans mes bras, sur mon blouson, demain, si seulement tu voulais, nous irions tous les deux boire un café au lait. Dis-moi, dis-moi, ne préfères-tu pas que je prenne avec toi une glace au chocolat? Hey Manhattan, laï, laï, laï, laï. Lai lai lai lai. Hey Manhattan, lai lai lai lai. Lai lai. Jérôme avait toujours des chansons entraînantes et c'est toujours sympa de le réécouter. Alors c'est un joli prénom Manhattan, mais c'est aussi l'un des 5 arrondissements donc de New York. Et alors Jean-Pierre, sais-tu la distance entre Manhattan et Montréal? Non, je dirais aller. C'est plus court que tout 1500, à l'heure. 1500-2000. 530 km. Oh là là, c'est surtout proche là. Mais à vol d'oiseau, à vol d'oiseau. Ah, oui. Oh non, mais quand même, j'étais un petit peu. Oui, oui, c'est plutôt la Caroline. Alors justement, hein, puisque on parle de Montréal, toi tu vas nous emmener à Mexico. Dans un premier temps, oui. Mais il va falloir prendre l'avion. Hein. Alors on va s'écouter Emmerich, c'est le chanteur. On dit de lui qu'il est un garçon en quête de bonheur et en quête de chaleur humaine. La liberté et l'amour sont ses maîtres mots. Alors, direction Dorval, l'aéroport de Montréal, et on part donc à Mexico, c'est le titre de sa chanson. Et puis, on terminera avec Jimmy Lafrime, une jolie balade country qui parle d'un étrange individu, en fait, que l'on prend plaisir, hein, malgré tout, à découvrir, et que l'on finit quand même par aimer. Parole, musique, interprétation, Monsieur Guy Brière. Arc-en-ciel, l'FM en couleur, couleur, couleur. Sur un trottoir glacé, ce matin je suis tombé. J'en ai assez, l'hiver ça finit pas, c'est l'enfer. J'ai besoin du soleil, de sa chaleur. J'ai besoin de sa lumière. J'en ai plein d'eau, de mes bottes et mon manteau. Je suis parti en taxi à Dorval. J'ai acheté un billet destination tropicale. Avec mon t-shirt Mexico et mon sombrero rococo. Mexico. Il fait si bon, il fait si chaud. Mexico. Plus de problèmes, tout est beau. Oh, Mexico. Avec ta chaleur sur ma peau. Mexico. Je t'ai aimé aussitôt. Je me fais bronzer. J'écoute le bruit des vagues. Je commence à relaxer. J'ai pas d'ordi, j'ai pas de téléphone. J'ai plus d'alarme qui résonne. Je suis tranquille, je suis zen, j'attends personne. Je suis parti en taxi à Dorval. J'ai acheté un billet destination tropicale. Avec mon t-shirt Mexico et mon sombrero rococo. Mexico. Il fait si bon, il fait si chaud. Mexico. Y'a plus de problème, tout est beau. Oh, oh. Mexico. Avec ta chaleur sur ma peau. Mexico. Je t'ai aimé aussitôt. Mexico. Il fait si bon, il fait si chaud. Mexico. Y'a plus de problème, tout est beau. Oh, oh, oh. Mexico. Avec ta chaleur sur ma peau. Mexico. Je t'ai aimé aussitôt. des salons. T'étais pas un grand voleur, mais un drôle de moineau qui ne volait pas très haut. Tu nageais pas dans le bonheur, mais dans les flaques d'eau. Rien ne te faisait peur, à part les petits oiseaux qui ne volent pas très haut. On t'appelait Jimmy la frime, le cow-boy sans chapeau. T'as fréquenté ma salle, dire qu'elle te trouvait beau. Tes heures de rocker se cachait un petit moineau qui paraît ne volait pas très haut. On t'appelait Jimmy la frime, le cow-boy sans chapeau, le roi de la combine. T'étais du genre flâneur, allergique au boulot, de la grume de fraude qui pousse sous les barreaux, abonné au malheur, ainsi qu'au Figaro. Faut dire que t'étais menteur, plein d'histoires dans mon dos. Un mauvais malfaiteur qui passait pas incognito, un genre de pigeon voyageur qui ne volait pas très haut. On t'appelait Jimmy la frime, le cow-boy sans chapeau, le king de la combine, mais qui tombe dans le panneau. On t'appelait Jimmy la frime, la cervelle de moineau, celui dont les crimes ne volaient pas très haut. Alors, Jean-Pierre, c'était une belle petite sélection. Alors, vous avez Absolument. Pu écouter Mexico avec Émeric et Jimmy la frime de Guy Brière. Voilà. Et puis, on va écouter quand même un petit Québécois dans une chanson de Claude. Oui, alors, mais combien de temps? Alors, il faut savoir, hein, que Claude François, donc, a répété, donc, beaucoup repéré des chansons anglo-saxonnes où les standards américains, il avait le sens du rythme, hein, qu'il savait, il savait vraiment à quel endroit de la chanson il pouvait changer les mots. C'est pour ça qu'il adaptait beaucoup, beaucoup de ses chansons. Il savait changer quelques phrases et du coup l'adaptation était souvent plus réussie que la chanson originale. Mm-hmm. Alors justement, on va écouter une de ses chansons, mais cette fois-ci pas chantée par lui, mais oui. Combien de temps, mais chantée par Michel Poligliaro. C'est toi qui l'as trouvé. Eh ben oui, alors j'ai trouvé ça, mais alors ça n'a pas été facile, mais surtout d'avoir des renseignements sur sa carrière à ce garçon. Ce que j'ai appris quand même, c'est que c'est un auteur, compositeur, interprète, guitariste de rock de talent, et qui a travaillé, figure-toi, avec Jacques Higelin. Il a collaboré à certains de ses albums. Alors, il a fait une version de Comme d'habitude, on en parlait dans la voiture tout à l'heure, mais c'est pas celle-ci que j'ai choisi, mais combien de temps, effectivement. Très jolie version, j'ai trouvé aussi, hein. Alors, écoutons-la. Vois la lune est au grenier, les étoiles sont décrochées, on t'a cassé tes ballons et les violons ont perdu ta chanson. C'est la fin du bal masqué, mais tu ne dois pas pleurer. Il faut te démaquiller de cet amour qui t'avait déguisé, brûler ton arlequin. Être une femme, payer les musiciens sans faire de drame et reprendre ton cœur pour le porter ailleurs. Ce ne sont pas les projecteurs qui sont les vrais soleils du cœur et ce soir le spectacle est terminé. Voici la vérité qui recommence. Le théâtre est fermé, même le dimanche. Ton amour est-il le plus beau, mais c'est sur lui. Le spectacle s'est terminé un petit peu trop vite, Valérie. Oh là là. Oui, je vois ça. On a l'impression que tu avais envie déjà de finir notre émission. Donc, du coup, bien, vous venez d'écouter notre dernière chanson. Mais bon, vous avez promis Michel Pugliaro. Donc, mais combien de temps? Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'émission. Jean-Pierre, courage. Mais ces bons moments maintenant sont partis. Et moi-même d'ailleurs, je suis sur le point de partir. Aussi, oui, très loin, là-bas sans mémoire. J'ai des amis qui m'aideront bien. Aujourd'hui tu pleures notre belle histoire. Aujourd'hui tu pleures de chagrin. Mais combien de temps vas-tu pleurer mon âme? Mais combien de temps vas-tu pleurer encore? Oh, dis combien de temps vas-tu pleurer mon âme? Là où souffle le vent, quand j'arriverai, ce sera le moment. Mais si de ton côté, tu changes ta vie, comme tu l'as fait si souvent, tu pourrais venir me rejoindre là-bas. Moi, je t'attendrai à n'importe quelle heure. Maintenant bien sûr, ne rie pas. Maintenant bien sûr, tu pleures. Mais combien de temps vas-tu pleurer pour moi? Combien de temps vas-tu pleurer encore? Combien de temps vas-tu pleurer pour moi? Combien de temps tu me reverras? Voilà, mais combien de temps, une belle reprise de la chanson de Claude François. Alors, on continue avec une artiste qui a commencé à donner des concerts dès l'âge de 8 ans en faisant des représentations sur des chansons de Clo-Clo, Sylvie Vartan et bien d'autres encore. Donc, elle a une affection particulière pour Clo-Clo, c'est pour ça que nous la diffusons aujourd'hui. Il s'agit de Patricia Cass. Alors, tout à l'heure, tu nous as diffusé Jimmy Lafrime. Eh bien, on va diffuser Quand Jimmy dit. Absolument, allez. Un chômeur en déroute, le fils de la pharmacienne, un bassiste de Toulouse, un batteur look et Harlem, un mélange de jazz and blues, version new wave africaine. Il a vendu sa mode et le cuir de son blouson, sacrifié à la mode, une musique sans concession. Depuis le temps qu'il rame sur le sable au fond d'une cave, je peux vous dire messieurs dames, qu'un de ces jours ça va faire grave. Quand Jimmy dit what I say, I love you baby, c'est comme qu'il dirait toute la province qui chante en anglais. Quand Jimmy dit what I say, oh baby come on, c'est comme qu'il dirait toute la province qui marche en ouest. Des reggae, jalousie, voyage en minibus, hôtel de troisième zone. Il a tout et même plus pour finir Rolling Stone. J'aime sa petite gueule d'amour, je le suis dans sa galère et je suivrai toujours, mais je peux pas m'en défaire. J'ai caressé son jean, j'ai dormi sur sa guitare. Chaque fois que je l'imagine, ça fait bizarre, bizarre. Quand Jimmy dit what I say, c'est comme qui dirait toute la province qui chante en anglais. Quand Jimmy dit what I say, oh baby come on, c'est comme qui dirait